Tu dois te situer dans un lieu confortable, tranquille, où tu puisses te relaxer et t'assurer que rien ne te dérange. Laisse couler ta respiration. Souris pour détacher tes tensions et préparer ton corps à la méditation. Ferme les yeux. Laisse que le bien-être t'entoure. Cesse de sentir la tension. Ouvre-toi à la relaxation. Prends une attitude positive. Si tu t'ouvres, tu attireras vers toi tout autant que tu as besoin. Lâche les rênes de ton imagination. Centre ton attention sur le moment présent. Effectue 3 respirations lentes et profondes. En faisant entrer l'air par le nez, imagine que tu te remplis de bonnes énergies de l'univers et en exhalant par la bouche, imagine que tu expulses toutes les mauvaises énergies de ton corps physique, émotif et mental. En commençant par remplir en premier l'abdomen et ensuite le thorax. Après la dernière respiration profonde, tu donnes l'ordre à ton esprit de réduire l'activité électrique de ses ondes à 4 cycles par seconde et tu leur donnes de se maintenir en repos complet pendant toutes les méditations. Ainsi, tu entreras dans un état de relaxation profonde. Imagine que ton corps est totalement relaxé et que tu te sens libre. Libre comme un aigle impérial sillonnant les cieux de l'Himalaya. Dans cet état de liberté, tu abandonnes ton corps et sors en volant vers la montagne Sinaï en Égypte. Tu montes la montagne et tu te rends compte que les résistances cèdent, que chaque fois, tu es de plus en plus léger. Tu te trouves au sommet, le temple du roi Salomon, où demeurent les 72 anges de la Kabbale. En arrivant, s'ouvrent ces 2 majestueuses portes et t'accueille un guide avec un grand sourire, habillé d'une tunique dorée. Le guide t'embrasse et te fait sentir que tu es de retour à la maison. Tes vêtements tombent au sol et avec eux tes peurs, insécurité, tes angoisses, tes barrières, ton inflexibilité. Pendant un moment, tu te sens faible, car ce que tu pensais être tes garde-fous ont disparu. Alors le guide te livre une précieuse tunique pleine d'étoiles lumineuses. Tu la revêts et tu te ressens le pouvoir de la lumière. Le guide t'accompagne dans une salle dont sur la porte tu peux lire « Salle du pardon ». « Tu entres dans la salle du pardon et on referme la porte après toi. Commence alors à sortir hors de toi toutes les tendances qui nécessitent le pardon. Parents, amis, peur, répression, obstacles, insécurité. Une à une, elles te regardent avec tendresse et te disent, en utilisant ton nom, par exemple Laure, « Laure, pardonne-moi. » Et dès que tu les pardonnes, cette tendance se transforme en un fil de lumière qui s'incorpore à ton cœur, t'offrant une sensation agréable de chaleur. Ainsi, chacune d'elles disparaît jusqu'à ce qu'il ne reste seulement une face à toi. C'est ton autre moi. Il te surveille avec un amour infini et il te dit « Laura, pardonne-moi. Laura, pardonne-moi. Laura, pardonne-moi. » Alors vous vous fondez dans une embrassade affectueuse qui le fait sentir que tous les obstacles se sont dégagés. Que tu es enfin libre. Apparaît à ce moment devant toi l'ange Shavakia et tu lui demandes d'enregistrer le pardon que tu viens de vivre dans ton code génétique et que tu sois dorénavant capable de te pardonner chaque fois qu'il sera nécessaire. Il se fait ainsi. Tu l'en remercies et tu le sais. Tu ouvres la porte de la salle, ton guide t'attend pour t'accompagner à une autre dépendance. Portant l'étiquette « Question à l'âme ». Tu entres et tu t'assois dans un confortable fauteuil. On te fournit un casque écouteur pour les oreilles et un microphone devant la bouche. Et tu vois comme son câble de lumière va vers ton intérieur et est relié avec ton être interne. Tu entends une voix qui dit « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Tu commences alors à lui formuler des questions. Quand tu auras terminé, tu lui demandes « Suis-je préparé pour la mission que tu attends de moi ?» Après cette dernière réponse, l'appareillage auditif disparaît. Apparaît alors l'ange Shalia avec un disque solaire dans la main avec le titre « Programme de reconnexion ». Il te demande si tu veux qu'il te l'implante pour pouvoir te reconnecter chaque fois que tu le désireras. Si tu lui réponds oui, il le situera dans ton cœur et chaque fois que tu souhaites de te reconnecter, tu devras te relaxer et mettre la main sur ton cœur, comme si tu actionnais un interrupteur. Pour te l'introduire, il te demande que tu répètes 9 fois le mantra Iowa. Yavesh Dralesh. Tu le remercies et tu le salues. La porte s'ouvre et à nouveau le guide te conduit à la salle de réunion où t'attendent les 72 anges de la cabane, habillés de belles tuniques. Ils te placent au milieu de la salle et tous se relient à toi à travers un rayon de lumière et tu sens l'union avec l'univers. Tu sens l'unité, tu sens la lumière. avant d'être décolleté, je te lance un dernier message. Cesse de concentrer ton attention vers ce qui est compliqué, vers les problèmes, et cherche dans ton intérieur les moments où tu as ressenti la félicité. Voilà notre message. Ils t'embrassent, retirent leurs rayons et disparaissent. Tu te sens bien. Tu sens que la lumière est en toi, que tu es en harmonie avec la lumière. Le guide t'accompagne alors jusqu'à la porte. Il t'embrasse et te donne congé. Tu enlèves la tunique et te rehabille. Tu quittes le temple et descends lentement la montagne Sinaï. Tu retournes vers ton corps tranquillement, sans être pressé. Tu respires profondément trois fois. Et quand tu le souhaiteras, tu ouvres les yeux. Tu sens le vent.